Personne sur Terre ne peut comprendre de lui-même les voies de Dieu, les choses profondes de Dieu et la marche spirituelle. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Jésus était conscient de l'anxiété qu'il suscitait chez ses disciples quand il leur a annoncé son départ. C'est pourquoi il les a réconfortés avec ses paroles tirées de Jean, chapitre 16, verset 7. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jésus a tenu sa promesse, non seulement envers ses disciples il y a 20 siècles, mais également envers ceux qui, aujourd'hui, croient en son nom. Si nous voulons nous rapprocher de notre Seigneur, nous devons nous tourner vers notre guide, le Saint-Esprit. Grâce à l'enseignement d'aujourd'hui, Charles Stanley nous aidera à mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. La parole de Dieu nous enseigne que notre Père céleste a envoyé le Saint-Esprit sur la terre afin qu'il devienne notre enseignant. Il exerce beaucoup d'autres ministères dans notre vie pour nous permettre de servir Dieu, mais une de ses tâches est de nous enseigner. La plupart de ce que le Saint-Esprit accomplit dans la vie des croyants et des incroyants a pour but de nous instruire. Par exemple, comment sommes-nous devenus des chrétiens? L'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché. Il a commencé à nous révéler en quoi notre péché était un affront envers Dieu et quelles en étaient les conséquences. Et si nous étions prêts à le reconnaître, il passait à l'étape suivante. Il nous enseigna alors que le seul moyen d'être pardonné pour nos péchés était d'avoir la foi en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est celui qui nous a démontré l'importance de la mort de Jésus. Et quand nous avons accepté cela, il nous a amenés à la troisième étape qui consiste à nous enseigner à ne pas avoir confiance en nos propres bonnes actions pour mériter la vie éternelle, mais à faire confiance à Jésus-Christ. Il est écrit dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Devant Dieu, nous sommes tous égaux, tous pécheurs, et ce n'est pas une poignée de bonnes actions qui changera les choses. Cependant, Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a vécu une existence physique semblable à la nôtre, mais sans jamais pécher. Il a librement décidé de porter sur lui la juste punition de nos péchés en mourant sur la croix. Par la foi, nous pouvons nous approprier le bénéfice que cette mort nous apporte, la réconciliation avec Dieu. Ce n'est donc pas ce que nous pouvons faire qui nous mérite une place au ciel, mais ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. Nous n'avons qu'à l'accepter, car le salut vient entièrement de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ces choses. Il guide notre pensée, même dans notre expérience du salut. Il nous enseigne ensuite à marcher selon l'Esprit et il nous rappelle que nous devons dépendre de lui si nous voulons le servir. Il nous enseigne que nous ne pouvons pas servir Dieu efficacement si nous essayons de le faire par nos propres forces et d'après notre propre sagesse. Les Écritures soulignent qu'il y a trois conditions de base à satisfaire si nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne. La première est de croire que la Bible est la parole de Dieu. Montrez-moi des gens qui enseignent de fausses vérités, et je vous prouverai que la plupart d'entre eux ne croient pas en toute la Bible. Il existe des gens qui prêchent et enseignent la parole de Dieu qui vous diront que cette Bible contient des erreurs, qu'elle est incomplète, que les premiers chapitres de la Genèse sont un mythe, et ainsi de suite. L'Esprit de Dieu ne perdra pas de temps à enseigner les choses profondes de Dieu à une personne qui ne croit même pas en la parole de Dieu. Et je peux vous dire qu'il existe des mères et des grands-mères qui connaissent mieux les voies de Dieu que certains de ces hommes d'Église ou de ces universitaires qui enseignent la parole de Dieu sans même y croire et qui n'ont ainsi qu'une compréhension limitée de Dieu. Ces derniers connaissent beaucoup de choses, certes. Or, vous pouvez être complètement perdu, tout en sachant beaucoup de choses sur la Bible. On peut savoir combien la Bible contient de livres. On peut connaître l'histoire de David et Goliath, de Daniel dans la fosse aux lions, de Joseph en prison. Et on peut parler de certaines choses comme des miracles de Jésus. Mais qu'en est-il de la nature profonde de Dieu, de ses voies et de la marche spirituelle? Il existe un monde de différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance spirituelle. L'Esprit de Dieu nous enseigne à partir de la parole de Dieu. Par conséquent, si je désire être instruit par l'Esprit de Dieu, je dois premièrement reconnaître le fait que la parole vivante de Dieu ne contient pas d'erreur. Certaines choses peuvent être difficiles à comprendre, c'est vrai. Certaines choses peuvent être incompréhensibles pour moi, mais cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'erreurs. Deuxièmement, une personne doit être sauvée. L'Esprit de Dieu n'instruira pas dans les voies de Dieu une personne qui rejette le Fils de Dieu. Jésus dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et si on ne vient au Père que par Jésus, cela signifie qu'on ne comprendra Dieu qu'à travers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur personnel par l'œuvre du Saint-Esprit en nous et qu'il nous a convaincus de péché, nous a conduits à la vérité, nous a fait comprendre la nature de Jésus et la nécessité du salut, qu'il peut ensuite continuer son instruction. Je peux donc recevoir l'instruction du Saint-Esprit, premièrement, après avoir cru en la parole de Dieu, deuxièmement, après avoir été sauvé par la grâce de Dieu, et troisièmement, après m'être appuyé sur le Saint-Esprit devenu mon enseignant. Car, si je ne dépends pas de lui, je devrais compter sur moi-même, ma propre sagesse, ma connaissance, mon expérience, mes lectures, et ainsi de suite. Toutefois, quand on me dit « J'ai été au séminaire pendant 3 ou 4 ans, j'y ai obtenu ce diplôme et je suis donc qualifié », je dois répondre que ce n'est pas nécessairement le cas. Même si une personne connaît certains faits, cela ne veut pas dire qu'elle connaît Dieu. Et même si une personne connaît certains faits bibliques, cela ne veut pas dire qu'elle connaît les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu commence donc à nous enseigner lorsque nous accordons foi à la parole de Dieu, lorsque nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, que nous devenons enfants de Dieu, que le Saint-Esprit vient habiter en nous et que nous nous appuyons sur lui et non sur la sagesse humaine. Lorsqu'il parle de sa prédication, l'apôtre Paul répète souvent la même chose. Prenons l'exemple de 1 Corinthiens chapitre 2. En commençant au verset 1. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Nous pouvons maintenant sauter au verset 4 et 5. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Personne sur terre ne peut comprendre de lui-même les voies de Dieu, les choses profondes de Dieu et la marche spirituelle. J'entends parfois des gens dire qu'ils connaissent les Écritures. C'est curieux, je ne dirai jamais une chose semblable. J'apprends les voies de Dieu, j'apprends à marcher dans les choses de Dieu et j'apprends les Écritures, mais je n'oserai jamais dire que je les ai apprises. Et je ne crois pas qu'un homme puisse le prétendre. L'Esprit de Dieu entre dans notre vie et fait des transformations. Tout ce qu'il accomplit a un but très spécifique. Quand nous abordons le sujet de son œuvre dans notre vie, nous devons considérer 4 éléments concernant son instruction. Nous avons déjà prouvé qu'il était sans aucun doute un instructeur pleinement qualifié. Et nous avons déjà dit que son but ultime était de nous faire ressembler au Christ. Or, comment s'y prend-il? J'aimerais répondre à cette question avec 4 mots. Le premier de ces mots est « révélation ». La révélation est la vérité donnée par Dieu qui nous serait inaccessible d'une autre façon. Dieu se révèle à tous les hommes à travers la nature qui est sa création. Nous appelons cela la révélation générale. Mais ce n'est pas suffisant. Nous disposons de plus de la révélation écrite de Dieu, la sagesse écrite de Dieu, la connaissance de Dieu qui décrit Dieu. Et l'identité de Dieu peut être découverte dans la Bible. Nous pouvons trouver la révélation vivante de Dieu dans cette Bible. Les différentes versions de la Bible peuvent contenir des divergences mineures dans le style d'écriture, mais elles demeurent la parole sans erreur du Dieu vivant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé la Bible, à travers des auteurs humains, mais inspirés. Or, une personne non chrétienne ne peut pas comprendre cela. Une personne qui nie Jésus-Christ, qui l'a rejeté, qui s'est détourné de lui, qui n'a pas besoin de lui et qui ne le désire pas, est absolument incapable de comprendre les voies de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 et 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et 4 décrivent exactement comment ce genre de personne considère la Bible. Vous pourriez m'objecter et dire « Un instant, je ne suis pas chrétien, mais je comprends des choses sur la Bible. » Et que comprenez-vous? Vous pourriez me parler de la Genèse et de la création, de David, de Daniel. Vous pourriez me mentionner certains miracles de la Bible. Vous possédez une connaissance des faits, sans aucun doute, et une personne perdue peut mémoriser une grande quantité de connaissances factuelles. Mais nous parlons ici de comprendre la vérité de la parole de Dieu, des enseignements et de l'instruction spirituelle de la parole de Dieu. Pas seulement des faits de la Bible. Et c'est l'Esprit de Dieu qui révèle et réalise cela. Le deuxième mot à noter est « illumination ». Regardons l'Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 1, verset 18. L'illumination est l'action de Dieu qui éclaire notre pensée et notre esprit pour que nous puissions comprendre ses voies. Il n'est pas suffisant de lire et de croire, il faut aussi comprendre. Éphésiens 1, verset 18. Paul prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'illumination est l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit pour laquelle il nous permet de comprendre la révélation de Dieu qui nous a déjà été accordée. Cette révélation lui appartient. Nous pouvons essayer de comprendre certaines choses et certains versets, mais sans son illumination, nous n'y parviendrons pas. Il est important de se rappeler ceci. Nous avons cette personne en nous, le Saint-Esprit, qui peut faire en vous exactement la même chose qu'il fait en moi. Supposons par exemple que j'étudie un passage en vue d'une prédication. Au cours de la préparation et de l'élaboration de chaque prédication, il se produit un bref moment où l'illumination surgit. Je peux étudier, lire, traduire, regarder les références, et ainsi de suite, travailler sans relâche et demander au Seigneur de me montrer ce que je dois dire. Mais tout cela ne sert à rien si l'Esprit de Dieu n'illumine pas mon cœur. Et dans ce bref instant d'illumination, je ne comprends pas seulement le passage des Écritures, mais je sais que Dieu me parle. Cela n'a aucun rapport avec ma sagesse et mon expérience humaine. Et pourtant, je prêche et j'enseigne depuis très longtemps. Mais cela n'a aucun rapport avec cette illumination de la pensée par l'Esprit de Dieu. Si je vous demandais, par exemple, combien d'entre vous connaissent Jean chapitre 3, verset 16? Nombreux sont ceux qui pourraient me le réciter par cœur, mais je connais des gens qui ont passé des années de leur vie à étudier seulement ce verset de Jean chapitre 3, verset 16, et qui vous dirait qu'ils ne le comprennent pas tout à fait. Le voici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons le citer par cœur sans même y penser. Mais si l'on prend chaque mot et qu'on les étudie de près, on se rendra compte qu'il y a matière à réfléchir. Et j'aurais beau creuser ce verset le reste de ma vie, je ne pourrais jamais extraire toute la vérité de Jean 3:16. Nous n'avons vu qu'un seul verset. Pensez-vous être en mesure de comprendre toute la Bible? Alléluia! Non! Et si vous dites, « Mais je veux la comprendre toute », je glorifie Dieu pour votre désir, et j'espère que tout le monde en fera autant. Mais vous voyez, s'il s'agissait d'un livre ordinaire, nous pourrions le lire une ou deux fois et tout comprendre. Mais nous avons entre les mains cette révélation de Dieu. Dieu nous révèle précisément qui il est. Qui peut comprendre toute la nature de Dieu? Personne. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il nous aime assez pour continuer à nous conduire dans la vérité. La vie chrétienne est vraiment formidable. Vous ouvrez votre Bible, vous commencez à lire. Vous arrivez à un passage et vous pensez, « Ah, Dieu essaie de me dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr de comprendre. » Vous continuez à lire et à prier, « Seigneur, je veux que tu me montres la vérité. Montre-moi la vérité, montre-moi la vérité. » Et n'est-il pas vrai que souvent vous demandez à Dieu de vous montrer la vérité sur un passage de la Bible et qu'au lieu de recevoir la vérité de ce passage, quelque chose remonte dans votre pensée? Bien souvent, c'est quelque chose de pas très joli, comme une mauvaise attitude, une pensée, une parole ou un souvenir. Et vous êtes soudainement convaincu de péché. Vous dites, « Seigneur, non, ce n'est pas ce que je veux. Je parle de ce passage-là. » Et au lieu de vous montrer la vérité, l'Esprit de Dieu vous convainc de péché. Ou plutôt, il vous a montré la vérité, mais ce n'est pas celle que vous vouliez. Et une semaine plus tard, vous n'en êtes pas encore revenu. C'est la seule façon d'en revenir et de régler cette question. Mais vous besognez, vous lisez quelque chose d'autre, et Dieu continue de vous ramener à ce fameux passage. Vous ne pouvez pas arrêter d'y penser, et Dieu continue de vous convaincre de péché jusqu'à ce que finalement, vous vous avouez vaincu. « Ok, Seigneur, j'abandonne. » Vous vous repentez de ce péché, vous revenez à votre passage et tout à coup, « Waouh! Je n'avais jamais vu cela avant! » C'est exact. Et pourquoi cela vous avait-il échappé jusque-là? Parce que le péché obscurcit l'illumination du Saint-Esprit. Le péché obscurcira votre compréhension du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous pouvez lire un passage plusieurs fois, mais vous n'êtes pas sûr. Vous ne pouvez que dire « Je pense que j'ai compris ». Il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à un passage, et je sais que le Seigneur veut que je prêche là-dessus. Je commence donc à le traduire, à l'étudier, à rassembler tout mon matériel, mais je ne parviens pas à trouver le fil conducteur. En d'autres mots, l'étincelle n'apparaît pas. L'illumination, le contact ne se fait pas. Et combien de fois le Seigneur m'envoie-t-il à genoux en le suppliant? « Seigneur, montre-moi la vérité. » Mais c'est comme s'il me répondait, « Non, ce n'est pas la vérité que tu dois voir en ce moment. Je veux régler une question avec toi, quelque chose qui traîne dans ton cœur, ou dans ta pensée, ou dans ta vie. Et avant de te donner ce que tu désires, tu dois régler cette chose. » Vous avez en vous le même Saint-Esprit et il vous traitera de la même façon lorsque vous ouvrirez la parole de Dieu, que vous sonderez les Écritures, que vous voudrez que Dieu parle à votre cœur, que vous chercherez une direction pour votre vie, que vous arriverez à un passage et que vous direz « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parle à mon cœur !» Mais l'Esprit de Dieu ne continuera pas à vous instruire dans les voies de Dieu, à vous montrer comment il travaille et ce qu'il veut que vous fassiez avec votre vie en vous révélant sa volonté. Il ne continuera pas à vous conduire loin, plus loin, toujours plus loin dans votre marche spirituelle avec lui s'il y a en vous quelque chose à régler. Je me suis rendu compte que, quand j'ai réglé cette attitude ou ce péché, je suis capable de revenir à mon passage et de me demander comment j'ai fait pour ne pas voir cela avant. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est que le péché m'empêchait de le voir. La vérité avait-elle toujours été là dans ce passage? Oui, elle l'avait toujours été, mais le Saint-Esprit avait attendu ce moment pour me la montrer. Le Saint-Esprit nous révélera la vérité dans la mesure où nous sommes prêts à la recevoir. Dieu ne nous donnera rien avant que nous soyons prêts. J'ai appris beaucoup de choses depuis l'âge de 12 ans. Je peux imaginer ce qui se serait produit s'il m'avait donné toute cette connaissance d'un bloc à 12 ans. Je n'aurais pas compris grand-chose. Le Saint-Esprit nous instruit dans les choses de Dieu. Il sait ce qui nous attend à la prochaine étape de notre vie. Il veut nous donner l'illumination et la vérité. Il est celui qui nous donne une profonde compréhension de ses voies. Le troisième mot que je vous propose est « rappel ». Regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela veut-il dire que le Saint-Esprit me rappellera toutes les choses que je veux? Non. Cela veut dire que le Saint-Esprit me rappellera toutes les choses dont j'ai besoin. Par exemple, comment les apôtres qui ont entendu Jésus prononcer ces paroles ont-ils reçu l'Évangile? En d'autres mots, lorsqu'ils étaient tous assis autour du feu de camp et que Jésus leur disait « J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir », Pierre ne sortait pas un magnétophone de son sac en disant « « OK, Jésus, tu peux y aller. » Pas de magnétophone, pas de bande magnétique, pas d'électricité et même pas de crayon comme aujourd'hui. Les apôtres écoutaient et l'Esprit de Dieu leur rappelait les paroles de Jésus. L'Esprit leur a dit la vérité. Ils l'ont entendu et plus tard l'Esprit de Dieu le leur a rappelé. Et nous disposons maintenant des évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Chacun d'entre eux a été écrit pour un groupe différent et pour un but spécifique. Comment le Saint-Esprit travaille-t-il dans notre vie? Lorsque nous nous trouvons devant une décision à prendre ou une épreuve à passer, il ramène à la surface un passage des Écritures, un texte, un verset préféré ou une bride de prédication. Nous recevons des milliers de lettres de personnes qui nous racontent qu'elles ont écouté tel message, que cela parlait à leur cœur, et alors qu'elles se trouvaient dans une situation donnée, elles s'en sont rappelées. C'est l'Esprit de Dieu qui rappelle la vérité. Toutefois, comme je l'ai déjà dit, ne pas se nourrir des vérités bibliques, c'est comme acheter un super ordinateur, l'installer sur le bureau, apprendre comment il fonctionne, mais quand on l'allume, il ne se passe rien. Si on n'installe pas de logiciel, il ne se passera rien. De même, pour que l'esprit travaille, il faut lui donner une nourriture spirituelle. L'esprit ne pourra rien vous rappeler si vous n'avez rien appris. Si vous n'avez pas lu, entendu, mémorisé et appliqué les vérités bibliques. Et si vous voulez que l'Esprit vous ramène à la mémoire des choses de Dieu, vous devez écouter. Et quand ce que vous avez écouté se trouve dans votre pensée, votre cœur, l'Esprit de Dieu peut le ramener à votre mémoire et souvent venir à votre secours lorsque vous faites face à un verset difficile. L'Esprit Saint est un aide-mémoire. Le dernier mot de la liste est « guide ». Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Comme il est écrit dans Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » La fonction d'un guide est de me conduire quelque part. Il ne se contentera pas de m'indiquer la bonne direction, mais il m'accompagnera à chaque étape du chemin. Il en est ainsi du Saint-Esprit. Il ne se contentera pas de me révéler la parole de Dieu, d'illuminer ma pensée, de me rappeler les choses dont j'ai besoin, mais il me guidera aussi. Il nous aidera tous à appliquer la vérité qu'il nous enseigne. Je le répète, Dieu ne nous instruit pas du haut des cieux, à longue distance, car il n'est pas près de nous, il est en nous. Personne ne peut être plus proche. Vous vous rappelez le passage avec Philippe et l'Éthiopien, dans Actes chapitre 8, versets 30 et 31? Philippe lui pose la question, « Comprends-tu ce que tu lis? » Et l'Éthiopien répond, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. La vie sur cette terre est un champ de mines. Nous nous frayons un chemin entre les difficultés, les épreuves et les tentations. N'est-il pas réconfortant de penser que nous disposons d'un guide chaque jour de notre vie? Je ne veux pas dire qu'il nous évitera toutes les peines et les contretemps, mais les souffrances que Dieu permet dans votre vie sont nécessaires à notre croissance. Le Saint-Esprit nous guide et nous aide à appliquer la vérité pour que nous puissions la garder dans notre cœur. Et plus nous obéissons à la vérité, plus nous grandissons en Dieu. Toutefois, nous devons tous répondre à cette question. Sommes-nous prêts à obéir aux instructions du Saint-Esprit? Car nous ne pourrons séparer l'enseignement donné par l'Esprit de l'obéissance à l'Esprit. Si nous sommes rebelles, nous arrêterons notre croissance spirituelle. La responsabilité du Saint-Esprit est donc de nous guider dans la vérité. Notre responsabilité est d'obéir à la parole de Dieu et de nous appuyer sur l'Esprit-Saint pour appliquer et vivre quotidiennement son instruction. Nous grandirons alors dans notre marche avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot-clé, obéissance. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous instruire et nous guider. Dans le message d'aujourd'hui, Charles Stanley nous a donc rappelé que notre responsabilité est de lui obéir, car si nous aimons Dieu, nous lui céderons. Si nous refusons, notre croissance spirituelle s'arrêtera. Au contraire, si nous acceptons de nous consacrer à lui et de faire sa volonté, le Saint-Esprit pourra alors nous transformer pour nous faire ressembler au Christ. Rien de ce que nous faisons ne durera si nous ne dépendons pas de Dieu. Il est en effet écrit dans Jean chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. L'émission d'aujourd'hui vous a plu? Vous aimeriez en savoir plus? Aujourd'hui, l'Espoir offre aux assoiffés de la source de vie qui est en Jésus-Christ une occasion unique de parfaire leur connaissance de la Bible. Vous pourrez suivre ces cours sans avoir à vous déplacer dans le confort de votre foyer. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.